rester branché. Parce qu'ici, on coupe pas le moteur. Chaque heure, des pseudos comme des phares dans le brume. Quand je doute, je les lis et je consume. Parfois, je me lève sans idée claire. Mais je sais que vous m'attendez quelque part. Alors, je branche le son, je lance l'éther. Et on se parle entre deux coups de bazar. On reste en ligne. Reste vrai, même si le monde on nous comprend pas, je sais. Vos voix me portent, même sans bruit. C'est vous qui rallumez mes nuits. Quand le stream commence, tout s'éteint. Y'a plus de solitude, y'a du lien. Je vous le dis pas tous les jours, mais vous êtes mon retour. C'est pas un jeu d'acteur ici. C'est brut, c'est moi, c'est infini. Je vous envoie mes doutes, mes idées. Et vous répondez sans hésiter. Chaque raid devient plus qu'un combat. C'est une scène où vous me portez là-bas. Vous croyez pas l'impact que vous avez. Quand j'ai plus rien, vous me faites redémarrer. Même quand soldat, on ramène. Même quand ça rame, on peut. Où tout s'éteignait. Plus de sons, plus de mots, plus d'idées. Mais il y a toujours un de vous qui restait. Et ça, ça m'a toujours réveillé. Pas besoin de 1000 vues, je veux une flamme. Une étincelle qui calme l'âme. Un message, un rire, une vibe sincère. Trouve l'air dans ma galère. On reste en ligne, tiens là-bas. Même quand dehors tout part en cafard. Ce stream c'est plus qu'un loisir. C'est ce qui me fait encore bâtir. Rider Skill c'est pas qu'un pseudo. C'est un cri qu'on porte à flot chaud. Je crée pas pour la scène ou l'ego. Je crée parce que je vous vois là-haut. Restez en ligne. Parce qu'ici on se déconnecte jamais vraiment.